Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour Yves. Qui est donc chargé de développement pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et aujourd'hui, et ce mois-ci même, nous allons nous intéresser aux métiers liés à ce loisir pêche qui sont nombreux quand même. Et nous avons également un invité aujourd'hui, Steve Blin. Bonjour. Bonjour. Et à qui on va donner la parole tout de suite après. Mais avant ça, ce petit coup de projecteur François sur les différents métiers et différents secteurs. Les débouchés professionnels dans le monde de la pêche de loisirs. Alors, avant de commencer sur les différentes thématiques et puis les diplômes qui sont liés aux métiers dont on va parler, il faut savoir que c'est quand même un petit monde et que le plus important, ce qui est capital, c'est des connaissances évidemment dans la pêche. Alors, tout ce qui est soit réglementation, soit matériel et d'avoir aussi du réseau au niveau local. La première thématique, ça peut être, on peut parler du monde associatif avec les associations de pêche, les fédérations départementales, qui moi est mon employeur, hein, ou la fédération nationale à Paris. On peut aller travailler à Paris à la FNPF, Fédération Nationale de la Pêche en France. Donc il y a différents métiers dans le monde associatif de la pêche agréée. Il y a des métiers liés à l'administratif, tout ce qui est comptabilité, les métiers de direction ou de secrétariat. Ça, c'est des métiers qui, avec des compétences qui sont transversales un petit peu dans tous les domaines, mais néanmoins, ça existe dans le milieu de la pêche, donc il faut le savoir. Et effectivement, il faut avoir des connaissances, notamment je pense au poste de directeur ou directrice, des connaissances pointues en halieutisme, donc dans la pêche, dans les partenariats liés au monde de la pêche et puis au monde de la protection de l'environnement aussi. Il y a aussi des diplômes, il y a aussi des métiers liés à l'animation et à la communication. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon travail, donc ce qu'on appelle le développement. Ça touche tout ce qui est animation, pêche, communication, relations avec les médias, promotion du loisir en général. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme pour arriver à ce type de métier? Il n'y a pas vraiment de diplôme. C'est bien d'avoir un BPJEPS, donc c'est un brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Il y a une spécialité qui s'appelle pêche de loisir. Voilà, on en parlera avec Steve après parce que pour exercer le métier de guide de pêche, c'est un diplôme qu'il faut nécessairement avoir. Donc tout ce qui est formation dans la communication ou dans le développement des loisirs ou du sport peut amener à ce type d'emploi. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir de la connaissance et du réseau et d'être passionné par ce qu'on fait. On peut aussi être garde-pêche, hein. Il n'y a pas de diplôme de garde-pêche. C'est pareil, quand il y a une offre d'emploi dans une fédération pour être garde-pêche salarié, il y a un ou deux postes par fédé, hein, ça dépend. Il n'y a pas de diplôme réellement qui forme professionnellement au métier de garde-pêche. Il faut de toute façon nécessairement avoir une connaissance extrêmement pointue de la réglementation et des procédures, ce qui implique le fait d'avoir été pendant un bout de temps garde-pêche bénévole pour une APPMA ou une FEDE, de manière à avoir été formé et à bien connaître la réglementation. Et puis il y a aussi tous les métiers liés à la protection de l'environnement. Alors c'est un petit peu annexe à l'aspect pêche de loisirs, hein, mais néanmoins c'est un vivier d'emploi important dans les fédérations, donc tout ce qui est protection de l'environnement, restauration de frayères pour les brochets, suivi et études piscicoles, etc., etc. Donc c'est des diplômes scientifiques, des masters, plutôt niveau master en hydrobiologie, restauration d'écosystèmes, etc. Et là on attaque le côté commercial. Alors on peut travailler dans le commerce, sûr. Dans la pêche, évidemment, vendre des articles de pêche en magasin, être vendeur en magasin. Donc ça peut être des diplômes de la vente, hein, et encore une fois évidemment de la connaissance importante de différents types de matériel, être spécialiste d'une technique, ça aide aussi, hein. Donc en tant que vendeur ou en tant que responsable aussi, directeur de magasin d'articles de pêche. Et puis dans la vente, bah, y a tout ce qui est vente en ligne aussi sur internet. Ça peut être aussi créer sa propre entreprise de vente de produits, de fabrication d'appâts, etc. Il y a un troisième métier aussi dans la vente lié à la pêche, c'est le métier commercial pour une marque ou un groupe de marques de pêche, et le but c'est d'aller donc placer des produits dans les différents magasins d'articles de pêche sur une zone qui souvent est assez importante parce que c'est un marché qui est assez petit. On passe à un autre domaine. Là, on quitte le côté commercial plus pour la promotion du secteur et tout ce qui est autour du journalisme et de la communication. C'est ça. Tout ce qui est promotion de la pêche donc peut se faire effectivement dans les FED, hein, à travers le métier de chargé de développement, mais peut se faire aussi à travers le journalisme. Alors, ça peut être de la littérature halieutique, hein, sur des magazines spécialisés, donc avec des diplômes liés au journalisme. Et ça peut être aussi tout ce qui est réalisation de contenu multimédia, donc avec effectivement de la photographie, photographie, de la réalisation de vidéos, du tournage, du montage de films. Alors ça peut être pour une marque, mais ça peut être aussi pour différents acteurs liés au monde de la pêche. Comme ce sera le cas d'ailleurs pour Steve Blin, qui a une petite vidéo de présentation de son activité. Ça illustre bien ce côté-là aussi. C'est ça. Puis bah justement, on en arrive un peu à notre invité, parce que c'est aussi un des métiers, guide de pêche. C'est ça, guide de pêche. Salut Steve. Salut. Comme je le disais, effectivement, toi t'es guide de pêche sur la Lorraine. Bah du coup, tu peux peut-être nous présenter un petit peu le métier, puis ce qui t'a amené à faire ce métier-là. Ouais, bah en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est qu'au final, j'étais passionné depuis le plus jeune âge par la pêche. Et du coup, j'ai commencé par la pêche à la carpe, la pêche au cou, la pêche au carnassier. Et puis ensuite, en fait, à mes 18 ans, je suis parti en Irlande faire un voyage. Et du coup, j'ai rencontré des guides de pêche et ça m'a vraiment plu. Au début, je voulais faire guide de pêche là-bas, quoi, en Irlande. Ça me plaisait beaucoup. Puis quand je suis revenu, du coup, en me renseignant, on m'a dit « Oui, tu vas pas en vivre et tout ça. Donc, prépare quand même tes diplômes à côté. » J'ai fait un DUT en gestion, administration et commerce. Et par la suite, à la fin de ce DUT-là, j'ai fait ma formation de BPJEPS, du coup, comme tu parlais avant, à 1 en Creuse. Du coup, c'est une formation qui dure combien de temps ? Donc la formation, c'est une formation de 9 mois qui est des fois subventionnée par les régions et tout ça. Ouais, alors ça, du coup, il faut se renseigner en fonction des situations. Hein. Ça peut être effectivement, peut y avoir des dispositifs d'aide. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. Ouais, les régions, les départements, le pôle emploi, à voir. Il y a des aides en tout cas. Mm. C'est quand même une formation qui coûte jusqu'à 8-9 000 euros. Ouais, c'est sur 9 mois, donc en présentiel mois, ouais. Avec des stages. Et on peut peut-être aussi rajouter le fait que chez nous, en Meurthe-et-Moselle ou en Lorraine, il n'y a pas de centre de formation qui propose le BPJEPS, ouais. Pêche de loisirs. Hein. Ouais. Donc on rappelle, BPJEPS, c'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Il y a différentes spécialités, en fait, ça peut être des BPJEPS en activité sociale, en équitation, ouais. Etc. Oui. Et en fait, il y a une spécialité pêche de loisirs. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'étais à A1 en Creuse. Et puis, du coup, là, sur 9 mois, on voit un peu toutes les techniques de pêche. On voit de l'animation aussi sur public du public jeune, du public handicapé, du public de tout âge et tout. Après, on a des stages de découverte en fédération de pêche, d'ailleurs. Ouais. Il y a un stage aussi ACM, accueil collectif de mineurs, ouais. Qu'on peut faire ou pas. Ça, c'est pour faire des stages avec des ados, par exemple. Et puis, on a des stages avec des guides de pêche aussi, du coup, une ou deux semaines dans l'année avec des guides de pêche. Voilà, pour voir ce que c'est que le métier de guide. Alors, venons-en à ça, vraiment, l'activité professionnelle du métier de guide de pêche. Alors, c'est vrai, hein, tu le disais, effectivement, pour en vivre décemment en France, c'est quand même un petit peu compliqué, ouais. Parce que le marché, il est vraiment tout petit. Par contre, ça peut faire une activité complémentaire, ouais. Sympa. Ouais. Bah, effectivement, comme toute entreprise, il faut se faire connaître au début. Et puis après, c'est vrai que vivre de ça en France, il n'y a pas beaucoup de guides qui arrivent. Après, donc, du coup, ça peut être vraiment complémentaire le week-end ou si on est à mi-temps ou quoi, on peut faire des activités à côté, des prestations à côté en tout cas. Alors, pour expliquer un peu en quoi consiste ce rôle, justement, le quotidien d'un guide de pêche, comment ça se passe ? Bah, du coup, le quotidien, en tout cas, sur les prestations, sur une journée de pêche, en tout cas avec des clients, on est sur une journée, soit c'est de l'apprentissage pur et dur et on voit toutes les techniques de pêche qu'on peut voir dans la journée ou celles qui intéressent justement le pêcheur, soit on peut ramener justement des gens à la pêche en bateau parce qu'ils n'ont pas de bateau. Donc là, on peut les amener sur la rivière, sur les lacs, ils n'ont pas forcément envie d'acheter des bateaux, donc... ils prennent une, deux journées, trois journées dans l'année, et puis ils se font plaisir avec leur famille, leurs amis et tout ça, quoi. Voilà, ça reste assez individualisé en fait, ça reste des petits groupes pour les formations, pour ces accompagnements. Oui, bah, ça peut être fait sur des gros groupes aussi, on peut voir pour faire des prestations un peu plus, avec plus de personnes, par exemple sur des centres de loisirs, des MJC, voilà. Différents types de groupes, ouais. Ouais. Mais sinon, oui, effectivement, celle que je fais, en tout cas, c'est en bateau. Et du coup, en bateau, sur mon bateau, je peux prendre trois personnes avec moi. Mmh. Donc voilà, c'est des petits groupes, quoi. Et ça fait longtemps que cette activité a commencé ? Ben, moi, ça va être ma cinquième année, là, que j'entame. Et alors, au bout de 5 ans, quel regard on porte sur ces 5 ans d'activité déjà ? Ben, franchement, ça s'est vraiment développé. Après, j'ai eu un parcours un peu spécifique, du coup, parce que j'ai travaillé, du coup, en magasin de pêche, à côté. Ensuite, je suis parti du magasin de pêche pour aller travailler sur Paris dans un domaine de pêche. Justement, c'était un domaine de pêche et d'hébergement. Et puis, du coup, en revenant de là-bas, je me suis dit que je vais vraiment me lancer dans l'activité à fond, essayer. Je me laisse à 2-3 ans pour vraiment essayer de me lancer et voir si ça prend, quoi. Parce que c'est vrai qu'en ayant un boulot à côté, c'est compliqué de développer un peu plus, quoi. On ne peut pas prendre des séjours avec plusieurs personnes pendant 4-5 jours. Et pourtant, il y a de la demande, quoi. Il faut savoir que ça prend du temps. C'est aussi un investissement en matériel, hein, parce que effectivement, Steve y parlait, il a un bateau. C'est pas une petite barque à 300 euros. Hein. C'est des bateaux qui valent 3, 4, 5 000 euros, je pense. Les cannes, les moulinets, les leurres, le matériel, ouais. c'est pas donné. Donc, c'est un investissement. Il faut, voilà. Donc, c'est un beau métier, le métier de guide de pêche. C'est un métier passion. Il faut, je pense, pas compter ses heures. Non. Il faut pas compter ses kilomètres parce que la zone, toi t'interviens sur toute la Lorraine, je crois. Ouais, bah justement, du coup, j'interviens sur la Moselle, du coin de Metz, Pont-à-Mousson, Thionville. Après, je vais sur le lac de la Madine, en Meuse. Avec des spécialités de pêche au leurre. Hein. Oui, voilà. La Moselle, ça sera plus typé cendre, perche, aspe. Alors que plutôt le lac de Madine, ça sera plus brochet, brochet, perche. Mais voilà, c'est plusieurs lieux et plusieurs, comme tu dis, des espèces de poissons différentes à pêcher. Mais c'est vrai que les kilomètres, on les compte pas et les heures non plus parce qu'au final, il faut aussi qu'on aille avant d'avoir les pêcheurs sur le bateau. Faut y aller avant pour savoir quelle est la tendance, où pêcher, quelle leurre utiliser, tout ça. Donc ça prend du temps, quoi. Oui, parce que sans qu'il y ait une obligation de résultat, il y a quand même une prestation qui... Alors, c'est la pêche et c'est toute la magie, le mystère. Et des fois, la frustration de la pêche, c'est que des fois, effectivement, on est bredouille, même avec un guide. Ouais. Ça existe, on casse le mythe, si tu veux pas. C'est vrai. mais par contre, voilà, c'est des professionnels de l'animation, c'est des très bons pêcheurs. Ils connaissent sur le bout des doigts les techniques et les moments et les spots sur lesquels les utiliser. Et puis, on peut dire de ne pas hésiter à contacter Steve via son site internet ou sa page Facebook. Alors, soit si on veut des renseignements un petit peu plus sur le métier de guide, hein, si on a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent savoir un petit peu sur la formation, etc., même s'il y a tous les renseignements sur Internet. Mais aussi, si vous voulez vous perfectionner et apprendre et découvrir des super spots en Lorraine, n'hésitez pas à contacter Steve. Avec plaisir. On peut peut-être donner l'adresse du site ? Ouais, donc c'est escapefishing.fr. Voilà, on trouvera bien sûr l'adresse sur le site de la radio. C'est ça. Une dernière question, François, peut-être ? Non, je voulais remercier Steve de s'être prêté au petit jeu de l'interview et d'avoir présenté son activité, parce que c'est vrai que c'est un métier rare, c'est un beau métier, c'est un métier passion. Encore une fois, c'est plein de beauté, mais de difficultés aussi. Il ne faut pas faire ça ni pour se faire de l'argent, ni pour penser qu'on va se mettre les doigts de pied en éventail et à bosser sur un bateau au soleil avec un chapeau de paille et un brin d'herbe dans le... Même si, des fois, on peut le faire. Hein, on peut faire un petit peu. Mais non, merci à toi Steve, et puis écoute, à bientôt, j'espère que ton activité va continuer à se développer. Merci Steve, l'émission n'est pas terminée, hein. On va continuer de parler pêche avec un peu d'actualité, on a parlé de brochets, de cendres, de carnassiers, c'était l'ouverture du brochet tout récemment. C'était l'ouverture du brochet effectivement récemment, le samedi 30 avril ça a ouvert, donc ça correspond l'ouverture du brochet au fait que les pêcheurs peuvent réutiliser les techniques de pêche qui sont alors susceptibles de l'attraper de manière non accidentelle, c'est comme ça que c'est écrit dans le code de l'environnement, dans la loi. On va simplifier, les pêcheurs peuvent de nouveau pêcher au vif, aux poissons morts, posés ou maniés, et évidemment aux leurres, hein, donc tout type de leurres, hein, cuillères, leurres souples, poissons nageurs, etc. Il y en a plein pour essayer d'attraper des brochets. On précise que la pêche du cendre est encore fermée. C'est-à-dire que si d'aventure on pêche au leurre ou au vif et qu'on attrape un cendre, là en ce moment, jusqu'au 28 mai, on doit le remettre dans l'eau, quelle que soit sa taille. À partir du 28 mai, c'est un samedi, hein, le dernier samedi de mai, on pourra garder un cendre ou deux à partir de 50 cm. Voilà, 28 mai, pas avant. Un mot peut-être juste à Steve Blin pour la pêche au brochet, un souvenir, une anecdote sur cette pêche, maximum que vous ayez attrapé. Mon record, il n'est pas si haut que ça, il a été fait à Madine, c'est un poisson un brochet de 105 cm. Après, j'ai un autre souvenir, c'est plutôt un poisson qui me reste en travers, c'est un gros poisson que j'ai pris en Hollande sur un séjour. Une fois qu'il était dans l'épuisette, j'ai voulu le reprendre, Et il s'est débattu dans l'épuisette et puis il m'a fait un trou dans l'épuisette et il est reparti. Donc pas de mesure et pas de photo. Donc ouais, c'était, je l'ai un peu en travail encore. L'image reste gravée. Ouais, ça reste gravé, ouais. Et c'est marrant parce que c'est souvent ceux qu'on ne prend pas qui sont les plus gros. Ouais. C'est vrai, hein. Non, c'est vrai. Et tu demanderas à des pêcheurs à la mouche sur des truites ou des gars qui ont cassé des silures énormes ou quoi que ce soit. Quand tu les prends pas, là tu l'as vu en plus. Bon, celui-là était dans l'épuisette. Voilà, il était dans l'épuisette, mais ouais, il manque la photo, quoi. Merci Steve. Un dernier mot peut-être au niveau de l'actu. En atelier pêche à la mouche le 24 mai. Oui, on propose. Alors effectivement, il y a aussi la Fédé propose aussi des initiations à la pêche. Et là, c'est la technique de la pêche à la mouche. Vous voyez Brad Pitt dans Et au milieu coule une rivière. Si vous le voyez, c'est cool. Si vous le voyez pas, regardez ce film. Et du coup, on propose ça. Alors c'est avec moi. Mais il y aura pas Brad Pitt, mais il y aura François. Ouais, il y aura moi. Ouais. Ah, puis on me voit pas à la radio, donc c'est une surprise, c'est un mystère. Et donc ça sera Martin Cour. Alors tous les renseignements et les inscriptions sont obligatoirement à faire sur le site de la Fédé. On rappelle l'adresse www.pêche-54.fr. C'est 20€ par participant, il reste deux places. Et du coup c'est au niveau de Martin Cour dans la petite Suisse Lorraine, là, enfin au niveau des inscriptions, quand vous êtes inscrit, je vous recontacte et puis je vous donne le rendez-vous précis. Voilà, c'est le 24 mai. Merci beaucoup François, on retrouve tout ça sur le site de la Fédé et bien sûr le podcast de cette émission sur le site de la radio www.fadjet.net. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Bien sûr. Merci encore à Steve Blin pour son témoignage et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Au fil de l'eau avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.